Le journal Internet sud-coréen MePlus, en date du 20 mars, a publié un éditorial exigeant des autorités sud-coréennes l'abandon de la politique de sécurité et de diplomatie commandant les hostilités envers le Nord.